C'est mieux. Donc, ce soir, ma séance porte sur l'analyse de contenu, qui est une des techniques, en fait, d'analyse que l'on vous présente ce trimestre, sur laquelle vous allez avoir un atelier le 29 avril. Donc, l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est de vous familiariser avec les origines de ce type d'analyse, les assises historiques, théoriques, et aussi un peu la procédure technique d'analyse qui correspond à ce que l'on nomme l'analyse de contenu, et vous présenter un exemple concret pour finir. C'est donc une séance que l'on va faire à deux, Marc Van Olsbeck et moi, donc on va se succéder. La première partie de la séance va donc porter un peu sur une présentation générale de ce qu'est l'analyse de contenu. Et comme vous allez le voir, il y a des convergences avec d'autres techniques que l'on a vues précédemment, mais également des points de différence en fait, qui font en sorte que c'est une stratégie d'analyse que l'on va utiliser de préférence dans certains cas ou qui va être adaptée pour répondre à certains types de questions de recherche en particulier. Donc, si on veut faire un bref historique et une sorte de tour d'horizon en fait, de ce qui constitue l'analyse de contenu, de ce que sont ses spécificités, l'une des premières caractéristiques, c'est que c'est vraiment une technique d'analyse qui est associée spécifiquement au champ de la communication. Contrairement à d'autres techniques que l'on a vues précédemment, l'entretien de recherche ou l'analyse de discours qui sont utilisées dans d'autres disciplines, l'analyse de contenu, elle s'est vraiment développée, elle a été popularisée dans les sciences de l'information et de la communication en particulier. Donc, d'où le fait que l'on trouve assez fréquemment en fait, des recherches en communication qui vont utiliser ce type de technique-là. C'est une technique qui a été développée essentiellement depuis les années 20 et qui en fait s'est nourrie essentiellement de réflexions liées au contexte de la Première Guerre mondiale puis de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse de contenu a été particulièrement développée par un auteur qui est donc un des théoriciens de la communication, qui est Harold Laswell, que vous avez certainement vu au travers de votre formation, oui. Donc sur lequel on va revenir un peu, mais c'est vraiment lui en fait qui a influencé le développement de ce que l'on appelle aujourd'hui et de ce qui est devenu en fait l'analyse de contenu. Donc il a travaillé essentiellement sur les techniques de propagande qui étaient utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il s'est intéressé au contenu des messages que les camps adverses envoyés à la population et envoyés à leurs troupes pour les encourager, pour les monter contre l'adversaire, pour en fait accepter l'effort de guerre, pour que la population en fait soutienne des décisions politiques qui étaient prises pendant cette période de guerre. Donc, Laswell s'est intéressé à analyser ces types de messages-là pour essayer de comprendre comment les messages utilisés, comment la répétition de certaines images, de certains mots, de certaines expressions en particulier, permettaient de convaincre la population ou des décideurs politiques ou économiques de soutenir la guerre ou au contraire parfois de s'y opposer aussi. Donc ça c'est vraiment l'origine de ce que l'on a appelé l'analyse de contenu et après ça en fait Laswell a développé ses recherches en s'intéressant en particulier au langage politique. Donc toujours dans cette idée en fait, d'influence, de comment des messages vont influencer des électeurs ou comment ils vont permettre de se distinguer de certains adversaires politiques. Donc c'est l'analyse de contenu, une de ses caractéristiques, c'est aussi que c'est une technique donc, qui vient de préoccupations par rapport à l'influence de la communication et par rapport à une dimension politique aussi de la communication. Le deuxième auteur qu'il faut retenir en communication par rapport à l'analyse de contenu, c'est Berenson, qui est en fait l'auteur de référence concernant la définition de l'analyse de contenu moderne. Analyse de contenu qu'il a définie comme étant une technique d'analyse la plus appropriée en fait pour étudier la communication de masse. Donc, dans le cas de Berenson, la conception de analyser le contenu en comptant des répétitions d'images ou de mots ou d'expressions notamment, c'était destiné à essayer à permettre en fait de comprendre et d'évaluer ce que les médias de masse étaient en train de produire sur la population. Et quand on dit médias de masse, ça veut dire donc le développement des journaux, des radios, puis après ça de la télévision, mais c'est aussi le développement de la publicité. Donc tout ce qui va être de l'ordre du martèlement de slogans ou de messages publicitaires ou de mise en scène publicitaire notamment. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment donc année 20, Première Guerre mondiale, année par la suite, donc Deuxième Guerre mondiale, dimension plus politique, et à partir des années 50, un intérêt davantage pour la culture populaire pour essayer donc de l'évaluer. Donc c'est une technique, l'analyse de contenu, qui s'est aussi essentiellement développée aux États-Unis. C'est une approche qu'on dit souvent empirique, parce que donc on va directement vraiment sur des textes, sur des images, pour compter des choses, pour mesurer en fait la présence ou l'absence de certains éléments. Et ça, c'est une distinction par rapport à une autre technique d'analyse qu'on avait vue plus tôt, qui est l'analyse de discours, qui, elle, émane davantage de la linguistique, notamment en France, en Europe, de façon plus générale. Donc, le développement de l'analyse de contenu s'est fait en particulier aux États-Unis et s'est structuré au fil de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, surtout à partir des années, au début des années 40, donc 1941 à 1950, où il y a vraiment eu des programmes de recherche financés par l'État américain pour essayer, en fait, de contrôler la propagande de l'ennemi et essayer de la contrer. Donc on va parler de contre-information parce qu'on essaye de voir comment l'ennemi, les Allemands en l'occurrence, mais aussi le Japon, essayer d'encourager la population pour soutenir la guerre, et on va essayer d'inverser en fait le message qui est envoyé ou de d'essayer en fait de contrer la masse d'informations qui va être, et l'importance en fait qui va être accordée à un terme plutôt qu'à un autre. Donc d'un côté, il y avait des études qui s'intéressaient à comprendre la propagande pour essayer de la contrôler, de la contrer. D'un autre côté, à la même époque, on trouve également toute une somme de recherches qui vont s'intéresser aux attitudes et qui vont essayer de comprendre, par exemple, pourquoi des soldats sont prêts à mourir pour leur camp ou pour leur employeur, qui est l'État. Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu des images qui les ont choqués? Est-ce que c'est parce que c'est leur métier, leur vocation? Bref, quelles sont en fait les opinions, les représentations que notamment les soldats se font, ont, et qui fait en sorte que ça motive leur action, que ça leur permet en fait de justifier leurs actes. Donc ces attitudes-là, les chercheurs vont s'intéresser à les creuser, à les fouiller par l'intermédiaire de questionnaires. Alors le questionnaire, vous avez eu l'occasion de l'expérimenter lors d'un des ateliers, on en avait parlé également en cours. Comme vous le savez, c'est un outil aussi qui est essentiellement quantitatif. On va mesurer des variables, on va trouver des indicateurs, on va traduire, et qu'on va utiliser des échelles, etc. L'analyse de contenu, comme vous allez le voir, elle est un peu dans cet ordre d'idées. Donc, en gros, on va le voir un peu plus tard, mais elle se distingue de l'analyse de discours et elle se rapproche un peu plus du côté quantitatif du questionnaire, parce qu'on va chercher à vérifier des hypothèses. Ce que ces travaux-là, en fait, des années 50 font ressortir, c'est des liens qui sont vraiment fondateurs de l'analyse de contenu, qui sont les liens avec, d'une part, la recherche en communication, notamment sur le plan de l'influence de la communication, l'influence des médias, l'influence des messages, également sur la technique du questionnaire, donc comment on va essayer de décliner et de mesurer des attitudes. Et donc, outre la technique pour mesurer les attitudes, c'est la volonté scientifique de le faire. On veut essayer de comprendre, en fait, socialement, pourquoi les gens sont pour ou contre quelque chose, pour essayer d'anticiper des situations de conflit, de guerre, etc. Comme je vous l'ai dit au tout départ, l'auteur fondateur, enfin que l'on situe comme étant le fondateur de l'analyse de contenu, c'est Laswell, qui est donc l'auteur en communication de ce que l'on appelle le paradigme de la communication, qui se définit par l'expression qui dit quoi, à qui, comment, pourquoi et avec quel effet. En fait, cet enchaînement de questions-là, c'est un enchaînement qu'on va retrouver dans l'analyse de contenu. Parce qu'on va regarder dans les contenus médiatiques qui parle, qui est l'auteur du message, à qui on s'adresse, à quel type de lecteur on vise, quel type d'auditeur ou de spectateur on vise, comment, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser des formules choc, est-ce qu'on va utiliser plutôt des formules de politesse courtoise, est-ce qu'on va être dans la proximité ou dans des tournures de référence, etc. Le pourquoi est important aussi, c'est l'objectif de communication. Est-ce qu'on veut convaincre, est-ce qu'on veut dénoncer? Et le avec quel effet, ça c'est vraiment donc sur la partie de l'influence. Quelle influence ça peut avoir sur les récepteurs? Donc dans ce qu'on appelle le paradigme de communication de Laswell, il y a une importance très forte qui est accordée à la participation des acteurs sociaux, ici on parle d'acteurs sociaux, participation au processus de fabrication, et également au processus de réception des messages. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on distingue en fait souvent l'analyse de contenu de l'analyse de discours. Donc l'analyse de discours, on l'avait vu un peu plus avant, c'est un type d'analyse qui se réclame plutôt de la linguistique. On va s'intéresser en fait aux règles, au fonctionnement de la langue. Quelles vont être les spécificités par exemple, un média qui traite l'information en anglais et qu'on va faire la différence avec le même média et son côté francophone, ou la façon de se représenter une réalité dans différentes langues, mais aussi c'est toute la question des genres de texte. Quelles sont les spécificités, par exemple, d'un éditorial versus une chronique versus un texte scientifique, etc., etc. Donc on est vraiment sur des questions de forme langagière et de compréhension des mécanismes de la langue. Et on est aussi, dans l'analyse de discours, sur une technique qui est essentiellement qualitative. On cherche à comprendre des mécanismes, comment fonctionne une langue, quelles sont ses caractéristiques, mais on ne cherche pas à démontrer ou à mesurer des hypothèses en tant que telles. Alors que l'analyse de contenu, elle, on la classe plutôt, de façon globale et générale, du côté de la sociologie, pour essayer de mieux connaître, de mesurer des attitudes ou des comportements. Et c'est un type d'analyse qui est plutôt quantitatif. Donc, lorsqu'on fait une analyse de contenu, on cherche en fait à prêter attention aux différentes étapes qui ont été menées et qui révèlent ou qui montrent quelle est la volonté de l'émetteur du message, mais également quelles sont potentiellement les attitudes des récepteurs. Donc, ce qu'on veut voir avec l'analyse de contenu notamment, c'est des indicateurs de comportements sociaux. Ici, je vous déballe un peu le vocabulaire théorique, mais comme on va le voir un petit peu plus avant avec Marc, puis avec l'exemple vraiment concret que je vais vous montrer un peu plus tard, ces comportements sociaux, en fait, c'est des choses vraiment très concrètes que l'on peut calculer ou mesurer vraiment à partir de certaines données dans les textes. Donc, quand on parle de comportement ou d'attitude, juste une précision sur les distinctions entre les deux, que vous avez peut-être déjà rencontrées dans vos cours antérieurs. Mais lorsqu'on parle de comportement, on parle de l'ensemble des réactions que l'on peut observer chez un individu à une situation donnée, à une situation immédiate. Donc, on est dans l'action, dans un geste qui est posé. Lorsqu'on parle d'attitude, on est plutôt dans des opinions, dans un ensemble d'opinions et dans des réactions que l'individu va avoir, mais de façon plus globale et de façon plus générale. Donc dans un cas, on est dans une réaction immédiate et qui est directement observable. Dans l'attitude, on est plutôt dans des prédispositions qui vont faire en sorte que quelqu'un va avoir tendance à réagir de telle ou telle manière en fonction de certaines opinions qu'elle a développées. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on va essayer, en fait, dans l'analyse de contenu, de trouver des indicateurs d'un comportement ou d'une attitude. Par exemple, on va essayer de voir dans l'analyse d'un journal s'il est plus ou moins favorable au Brexit. S'il est plus ou moins favorable à Macron, Mélenchon, Le Pen, Hamon, etc., etc. Qui sont à la base des attitudes, en fait, à l'égard de certains candidats, mais dont on va essayer de trouver des traces très concrètes dans les textes, parce que tel journal aura systématiquement associé le terme tribun, ou grand, ou novateur, ou révolutionnaire à tel ou tel candidat. Donc, sur le plan des indicateurs, l'analyse de contenu est donc proche de la méthode du questionnaire, parce qu'on va chercher donc qu'est-ce qui peut être concrètement la trace d'une attitude pour mesurer en fait l'échelle de cette attitude-là. Donc, comme je vous l'ai déjà dit aussi, l'analyse de contenu, on la classe plutôt du côté des techniques quantitatives. Mais évidemment, c'est jamais aussi blanc ou noir, même en science. Donc, avec les années, on a vu aussi une vision un peu plus large de l'analyse de contenu qui s'est développée et dans laquelle, en fait, on va au-delà de ce que nous montre juste le texte pour essayer de dégager des sous-entendus, etc. Donc, on rentre, en fait, dans des interprétations un peu plus qualitatives aussi de l'analyse de contenu aujourd'hui. Si on prend une définition générale de ce qu'est l'analyse de contenu, c'est toute technique. Donc, et si vous remarquez déjà le toute technique, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, donc il y a plusieurs formes. Et effectivement, en fonction de la question de recherche qu'on se pose, de l'objet de recherche que l'on cible, on utilisera une technique qui va varier un petit peu, selon qu'on étudie des interviews télévisées ou une interview écrite dans un journal, par exemple. Donc, toute technique qui permet de faire des déductions, de tirer des conclusions, à partir de l'identification dans les messages de certaines caractéristiques spécifiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, par exemple, si on veut essayer de voir est-ce qu'un journal semble plus ou moins favorable à tel ou tel candidat de la campagne présidentielle française, on va essayer de voir, par exemple, le type d'adjectifs qualificatifs qui reviennent systématiquement dans tous les textes qui parlent de Mélenchon, ou de Le Pen, ou de Macron, ou d'Hamon, etc. Donc, on va définir certaines caractéristiques que l'on va chercher, et on va effectuer ça de façon systématique. C'est, là aussi, on est vraiment dans du quantitatif. Et également, on essaye d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'on va aussi chercher, en fait, dans la littérature, dans notre cadre théorique en particulier, ce qui a été déjà défini par d'autres, les résultats de recherche antérieures, etc., pour essayer de mesurer comment on retrouve ces résultats-là dans nos recherches ou pas. Donc, on va chercher, en général, dans l'analyse de contenu, à vérifier, à valider ou à infirmer des hypothèses. Comme je vous le disais, il y a eu une évolution un petit peu plus large, en fait, de l'analyse de contenu qui s'est faite dans les dernières années. Et alors qu'au départ, on voyait juste dans les textes, ici les textes sont à voir au sens large, mais ça peut être aussi dans des documents médiatiques plus largement, on voyait juste dans ces documents-là, en fait, des moyens de mesurer des attitudes qui faisaient que, par exemple, on analysait des publicités et on disait que telle publicité, elle vise à définir la femme comme étant émancipée, comme étant une figure moderne, indépendante, ou au contraire, à privilégier une vision conservatrice, etc., etc. Toutes ces attitudes-là, en fait, qui étaient vraiment les objectifs seuls de l'analyse de contenu, ont été un peu dépassées. On est plutôt allé vers des sous-entendus ou vers des interprétations un petit peu plus qualitatives. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les opérations d'une analyse de contenu, elles se font à travers un travail de transformation des données. Si je veux analyser les articles d'un journal et je veux essayer de voir si Le Soir semble avoir une préférence pour l'un des candidats à la présidentielle française, par exemple, je vais prendre des articles du Soir, mais il va falloir que je les code, que je leur attribue par exemple à chacun un numéro. Il va falloir que je code aussi à l'intérieur des textes l'objet que je cherche, donc par exemple tous les noms des candidats vont avoir un code. Il va falloir aussi, en fonction de la question que je me suis posée, que je code par exemple les adjectifs que je vais trouver ou les titres des unes, est-ce qu'elles sont plutôt positives ou négatives. Bref, en fait, je vais transformer les données qui au départ sont du texte ou des images qui sont plutôt d'ordre qualitative en chiffres. Et cette transformation en chiffres, elle va se faire par un passage par des catégories qui vont faire que, par exemple, il va y avoir la catégorie candidat, Mélenchon, Macron, etc. Mélenchon, ce sera 1, Macron, ce sera 2. Et là, on va attribuer, Macron, son code, c'est 1, et il a été cité 4 fois dans tel article. La deuxième catégorie, ça va être une ou présence à la une, par exemple. Qui ferait en sorte qu'on se dirait, si le journal a mis un candidat vraiment à sa une plutôt qu'un autre, c'est qu'a priori il lui accorde plus de place ou plus d'importance. Et donc là, je vais coder, je vais attribuer aussi une importance au fait de mettre à la une un candidat. Ça devient une de mes catégories. Ça devient parce que c'est pour moi un indicateur d'une importance, d'une préférence que l'on accorde par exemple à un candidat. Et cette catégorisation qu'on va faire, cette transformation des données en chiffres, on va devoir, dans l'analyse de contenu, toujours l'expliciter, c'est-à-dire, en gros, je fais une analyse de contenu pour mon mémoire ou pour une recherche en général, je dois expliquer pourquoi je choisis que être à la une ou pas, c'est significatif. A priori, on se doute que que c'est cohérent, mais il faut dire que c'est une opération que je fais. Parce que, quand on est dans le domaine scientifique, il faut toujours expliquer les étapes que l'on a faites. Et c'est ce qui va permettre aussi d'expliciter, c'est ce qui va permettre à d'autres chercheurs, potentiellement, s'ils prenaient le même corpus d'études, donc les mêmes textes que vous, de reproduire ce que vous avez fait. En se disant, moi, j'aimerais aussi analyser, voir si, pour la prochaine élection en Belgique, les médias ont une préférence pour un candidat. Alors, je vais te dire, il y a une étude un peu semblable qui s'est faite, mais par rapport à nos élections présidentielles françaises. Je vais reprendre l'étude, je vais reprendre les catégories, mais cette fois-ci, ça va être pour les élections belges. Et alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a une présence à la une ou pas, la grosseur des photos, les titres, etc., etc. Donc, expliciter, c'est ce qui va permettre à la recherche d'être systématique. C'est ce qui va aussi lui permettre de pouvoir faire des comparaisons. Ce qu'il faut que vous reteniez aussi de l'analyse de contenu, c'est que le texte, donc un texte ou un document en général, est conçu comme un... Et on part du principe dans l'analyse de contenu que ces textes-là, ces documents-là, ils sont une expression singulière d'un univers social. Ce qui fait que, par exemple, on analyse des publicités, elles sont le reflet, en fait, d'une agence, par exemple, ou d'un ministère qui a commandé ces publicités-là pour défendre tel projet de loi, telle opération, c'est de la sécurité routière, etc. Parce qu'il y avait, à un moment donné, une préoccupation pour la conduite avec... comment on dit faculté affaiblie, ça n'existe pas ici. L'ivresse au volant, c'est ça l'expression, voilà. Donc, par exemple, on étudie les publicités de la sécurité routière avec, en arrière-fond, cette idée que c'est révélateur d'une certaine préoccupation pour le nombre de décès, par exemple, liés à l'alcool au volant, mais aussi d'une certaine vision du gouvernement qui fait que les publicités vont soit chercher à faire peur pour changer les comportements, ou au contraire utiliser l'humour parce qu'on veut dédramatiser, parce qu'on se dit que quand on fait peur, ça marche pas en fait. C'est pas un argument, enfin c'est pas une forme de communication qui semble marcher. Donc on va essayer de voir au-delà des textes quelles sont toujours les intentions et quels sont les objectifs d'influence qui existent dans une société donnée. Donc on essaye à la fois de décrire ce qu'on observe et aussi on essaye de comprendre, en fait, d'expliquer des logiques d'action sociale. Alors, dans la définition ici, que je vous ai montrée un petit peu plus tôt, on voyait qu'une des définitions données, c'était que l'analyse de contenu, c'est toute technique qui permet de faire des déductions à partir de caractéristiques dont on voit se répéter, qui sont spécifiques, et que l'on va donc mesurer, calculer. Et je vous le disais, comme on voit dans la définition, toute technique, ça suppose qu'il y en a plusieurs formes. Effectivement, on parle généralement de « je fais une analyse de contenu » ou « je fais de l'analyse de contenu ». Mais dans les faits, aujourd'hui, on parle plutôt, si on voulait être précis, d'analyse de contenu au pluriel, parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'analyse des contenus en fonction des objectifs de recherche. Il y a des analyses de contenu qui sont vraiment purement quantitatives, où on va juste mesurer, et il y a des analyses où on va juste être dans le contenu manifeste, c'est-à-dire que, par exemple, il y a eu tant de fois la photo de tel candidat en une, point final. Et il y a des analyses de contenu qui vont être un peu plus mixtes, c'est-à-dire qui vont combiner du quantitatif et du qualitatif, parce que par exemple, je vais regarder le nombre de fois que tel candidat a été mis à la une, mais je vais aussi regarder la façon dont la photo a été composée. Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'il était mis en avant-plan, en arrière-plan? Est-ce qu'il y avait du texte bas? Bref, je vais essayer en fait de dégager un peu plus de sous-entendus aussi. Est-ce que la façon dont il était, le choix de la photo, vous apparaissait comme étant plutôt favorable ou défavorable? Donc on va aller dans une dimension qualitative un peu plus interprétative au-delà du nombre de fois qu'il y a eu donc la photo à la une. On parle donc d'analyse de contenu au pluriel et il y a en communication notamment des types d'analyses qui sont plus utilisées que d'autres parce qu'elles correspondent mieux aux objets qu'on étudie en information en communication. Celle qu'on va vous présenter plus particulièrement aujourd'hui avec Marc, c'est celle qu'on appelle analyse de contenu catégorielle. C'est en fait une analyse de contenu qui est la forme la plus classique d'analyse, mais c'est aussi la plus courante. Ça ne veut pas dire que c'est la moins complexe ou la moins riche, mais c'est juste que c'est vraiment celle qui est fondatrice de ce qu'est l'analyse de contenu en général. Donc ça, je vais laisser Marc vous présenter un petit peu plus en détail ce que c'est après moi. Le deuxième type d'analyse de contenu qu'on peut également souligner, c'est l'analyse de contenu qu'on appelle d'évaluation. Dans ce type d'analyse de contenu-là, que vous pouvez aussi avoir à utiliser, l'objectif, c'est en fait de mesurer, donc on cherche à mesurer des attitudes d'un individu à l'égard, alors là c'est la formulation universitaire, mesure des attitudes d'un individu à l'égard d'objets sur lesquels il s'exprime de façon plus ou moins positive ou négative, en accord ou en désaccord selon ses valeurs. En gros, on essaye de calculer dans ce type d'analyse de contenu si l'auteur d'un message semble être favorable ou défavorable à l'objet qu'il traite ou à la personne dont il est en train de parler. Et donc, dans ce type d'analyse-là, on va s'intéresser aux valeurs, souvent, que l'auteur du message essaye de véhiculer. Donc, si on résume, l'analyse de contenu, en fait, est par nature plutôt de type quantitative. Mais comme on peut le voir, elle peut comporter, depuis notamment une ouverture un peu plus large, en fait, de la méthodologie ces dernières années, elle peut comporter des interrogations un peu plus qualitatives. Mais la nature, c'est plutôt quanti. Et on peut la rapprocher du questionnaire, dans le sens où on va essayer donc de mesurer des comportements ou des attitudes. Comment quelqu'un a l'air de se représenter quelque chose et qui fait en sorte que la façon dont il se présente la chose fait en sorte qu'il la présente avec plus ou moins d'importance, avec un côté plus ou moins négatif ou positif, avec tel attribut plutôt que tel autre. Il y a une distinction avec l'analyse de discours, qui est que, ben, en fait, on va travailler sur des objets semblables, souvent, par exemple un corpus de journal, un corpus audiovisuel, mais alors que l'analyse de discours, on est dans du qualitatif, et on essaye de comprendre comment fonctionne un genre de texte, comment fonctionne le langage, quelles sont ses spécificités, dans l'analyse de contenu, on est dans du quantitatif et on essaye plutôt donc de regarder les attitudes, les comportements. C'est un type d'analyse qui est très souvent utilisé pour analyser des corpus de journaux, des contenus médiatiques de façon générale, y compris audiovisuels ou numériques. Donc, ce qui veut dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement à des textes, mais aussi à des images, mais aussi à ce qui est donc de l'ordre du verbal ou du non-verbal. C'est également une technique d'analyse qui peut être utilisée pour analyser des contenus d'entretien. Donc, par exemple, et là on serait dans une stratégie mixte en fait, vous avez mené des entretiens de recherche, semi-directifs, et qui vous amène à poser peut-être une hypothèse. Vous voulez la vérifier et vous allez faire une analyse de contenu pour laquelle vous allez avoir telle ou telle catégorie et vous allez mesurer dans vos contenus d'entretien combien de fois tel mot apparaît, ce qu'on appelle donc des récurrences, ou combien de fois tel terme est associé à tel autre terme. Est-ce que par exemple le terme université est associé à un terme qui est plutôt péjoratif, neutre ou valorisant? Et donc ça, on est plutôt dans une idée qu'on appelle une étude de la co-occurrence, des associations en fait, d'idées. Donc, ça c'était un peu pour vous positionner l'analyse de contenu par rapport aux autres techniques que vous avez déjà vues. Et pour finir, avant une pause qui nous conduira après ça à la présentation plus précise de Marc sur l'analyse de contenu catégoriel, juste un point sur l'influence en fait que les objets, enfin les recherches menées sur Internet ou sur les contenus numériques, socio-numériques ont eu sur l'analyse de contenu. En fait, tout le développement du web, des médias sociaux en particulier, en fait en sorte que l'analyse de contenu, si on veut mener une analyse de contenu sur ces objets-là, on doit tenir compte des spécificités numériques. Par exemple, on doit traduire, donner une signification et pouvoir coder, transformer en chiffres, des éléments d'expression comme les émoticônes, comme les émojis, mais également des actions qui sont spécifiques à des plateformes socio-numériques telles que des repartages, des likes, etc. Donc en fait, on doit trouver une façon de coder pour dire ben, ça, un repartage, c'est significatif d'un degré d'engagement, d'une adhésion ou au contraire d'une contestation, etc. Et donc ça signifie telle ou telle chose dans mon analyse de contenu. L'un des défis en fait de l'analyse de contenu aussi par rapport au numérique, c'est sur le recueil, la formation du corpus. Par exemple, si on veut travailler, faire une analyse de contenu sur des discours, des publications qui ont été faites sur Twitter, Facebook ou d'autres, Instagram, Snapchat, bref, d'autres types de comptes médias sociaux, on va avoir un premier défi qui va être de recueillir les données et en fait, les données qu'on va avoir, donc les traces numériques, elles auront potentiellement été modifiées, surtout depuis que la fonction modification existe davantage et davantage utilisée pour rectifier des erreurs ou des dérapages sur les médias sociaux. Donc il y a une première difficulté qui est de reconstituer un corpus qui est d'origine en fait, alors qu'il a potentiellement été transformé. Il y a aussi des contenus qui ont potentiellement été effacés. Donc il y a un souci qui est de en fait, partir du principe qu'on n'aura pas forcément l'ensemble des documents disponibles sur le web en général, ou qui ont été disponibles à un moment donné sur le web. Surtout quand on travaille sur des données qui remontent à un an et au-delà. Contrairement par exemple à des textes tels que des articles ou encore à des émissions télé et qu'on s'adresse aux archives directement, par exemple, du média qui, à ce moment-là, en fait, a l'intégralité à nous fournir. Donc ça, c'est un souci qui n'empêche pas du tout d'utiliser l'analyse de contenu pour analyser du numérique, mais qui fait juste qu'en fait, on doit, dans la méthodologie, expliciter qu'on est conscient de ces défis-là. Et l'autre défi, c'est aussi la difficulté qu'on peut avoir d'identifier les auteurs des messages des publications. Parce que l'existence d'avatars, de pseudonymes, parce que l'existence aussi de bots, donc ces comptes systématiques informatisés, qui font en sorte que si on veut mesurer des attitudes, des comportements, en fait, il devient un petit peu plus difficile donc d'identifier la source du message. Plus difficile qu'à l'ère des seuls médias traditionnels. Mais pas impossible non plus et pas inintéressant non plus. C'est juste que c'est une dimension aussi dont il faut tenir compte. Et dernier élément, c'est aussi le fait que chaque plateforme a ses propres règles, ses codes, et donc ses conditions de production de contenu dont il faut tenir compte. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire une analyse de contenu des jeux vidéo pour essayer de voir si c'est violent, macho, pro-écolo, libéral, révolutionnaire, ou que sais-je, quels sont, en fait, qui voudrait réfléchir aux orientations idéologiques de certains jeux vidéo, ben, on doit tenir compte que dans certains types de jeux, les règles se construisent au fur et à mesure, il y a un maître du jeu ou pas, il y a un degré d'interactivité qui est différent selon les plateformes, et que donc si on étudie l'idéologie en s'intéressant à Tetris ou à Zelda, c'est pas la même chose que si on étudie Minecraft ou World of Warcraft. Il faut prendre en considération ces conditions de production de contenu qui sont importantes parce que toujours dans l'idée que le message en analyse de contenu est révélateur d'un univers social. Donc un univers social qui a des objectifs de communication, qui a des préoccupations, etc. Ça boucle pour l'instant l'introduction à l'analyse de contenu. On va prendre une pause maintenant et je vais passer ensuite la parole à Marc qui lui va revenir sur les spécificités de l'analyse de contenu que l'on nomme catégorielle, qui est donc la plus utilisée, la plus fréquente. Et par après, je reviendrai moi pour vous présenter un exemple concret en fait de recherche qui a été menée à partir d'une analyse de contenu pareille. Donc on prend 10 minutes de pause et on se revoit après.